AXA, premier assureur des pros. Tenons, mortaise, onglet, elle travaille le bois. Moi, j'y comprends rien, mais tant qu'elle se blesse pas... Soutenir sa fille, pour Thierry, ça va de soi. Comprendre son métier, c'est une autre histoire. Chez AXA, on vous comprend et on vous propose les garanties adaptées aux risques de votre entreprise. AXA, plus d'informations en agence ou sur pro.axa.fr, étude pépite CSA 2022. Bon podcast avec AXA. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. L'histoire ne s'arrête jamais, mais pendant l'été, le cours de l'histoire marque une pause, l'occasion de découvrir ou de redécouvrir certaines émissions déjà diffusées. On se retrouve dès le 28 août avec une nouvelle saison du cours de l'histoire et une programmation toute neuve. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Hypercute dans la cité, le pugilat secoue la Grèce. Qui est cet homme au visage amoché? Ah, il s'est pris des coups, c'est sûr, avec ses oreilles en chou-fleur et son nez cassé. Il paraît terriblement abattu, assis sur un rocher, les mains encore bandées. C'est un pugiliste, homme, un boxeur, quoi. Il est vieux, ça c'est sûr. Quelques millénaires, 4 siècles avant Jésus-Christ. C'est après le combat, il est vaincu, sûr qu'il ne reste pas de marbre. Non, pas de marbre, mais de bronze. Obélix va t'aider à t'entraîner au pugilat. C'est le partenaire idéal, tu risques pas de lui faire mal. Allez, en garde. Hop, hop, hop. Allez. Pense à Irina. Ok. Bien. Non, mais non. Enfin, plus autre chose, tu crois. Bon. N'aie pas peur, allez, vas-y. Allez. Voilà. Imagine, c'est Brutus. Ouais. Allez, sers-toi de l'épaule. Alors, attends. Astérix a raison. Il faut accompagner les coups avec l'épaule, comme ça. Voilà, et comme ça, c'est beaucoup plus efficace dans Astérix aux Jeux Olympiques. Bonjour Jean-Manuel Rubino. Bonjour. Qui est cet homme que j'évoquais en introduction de cette émission, cet homme qui est assis, qui a les mains bandées et qui a l'air passablement abattu? Il s'agit du pugiliste des termes, qu'on appelle aussi parfois le pugiliste au repos. C'est une statue de bronze qui date du 3e siècle avant Jésus-Christ, qui est en fait la plus belle statue de boxeur antique parvenue jusqu'à nous, qui met en scène un boxeur probablement après un combat, éprouvé, fatigué, et qui montre à la fois, je dirais, l'anatomie des pugilistes, et puis leur état mental, leur fatigue, et puis les conséquences des coups sur le visage et sur le corps, puisqu'on a affaire à un individu dont le visage est littéralement couturé de cicatrices. D'ailleurs, l'artiste s'est amusé avec différents matériaux pour bien souligner ses coups. Absolument. Il y a un jeu sur le métal au niveau de la joue droite qui visait à figurer la présence d'hématomes. Oui. Ah oui, parce que là, on le sent pas en forme, mais l'historien que vous êtes, Jean-Manuel Rubino, lui voit encore plein d'autres choses, et notamment ses mains bandées. C'est très étonnant, parce que déjà, c'est une statue de bronze, donc on le voit hyper costaud. Ces bandages, c'est fait de quoi? Alors, c'est une combinaison. C'est le deuxième état de l'histoire des gants de boxe. Donc, c'est un état un petit peu plus massif que ce qui existe originellement, c'est-à-dire aux époques archaïques et classiques. À partir du 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ, on a des gants qui combinent des lanières de cuir qui tiennent les doigts, la main, le poing, le poignet, un manchon de cuir dans lequel la main est insérée, une croûte à l'avant du poing, très massive, et puis un brassard en laine de mouton. Ah oui, parce que ça veut dire que c'est du solide. Là, les coups portés doivent faire terriblement mal. Absolument, c'est très contondant et c'est probablement de plus en plus contondant. C'est-à-dire que le temps s'écoulant, les Grecs et puis les Romains ont inventé des formes de gants qui endommageaient de plus en plus fortement les adversaires. Au moment d'évoquer et puis les Romains, vous vous tournez vers Jean-Paul Tullier, bonjour. Bonjour. Oui, parce que spécialiste de la Rome antique, c'est un sport beaucoup plus dur, cette forme de boxe antique chez les Romains que ce n'était chez les Grecs. Alors, ça dépend des périodes. Au départ, les Romains ont pratiqué un type de boxe qui était assez proche de celui des Grecs. Il faut savoir que la boxe a toujours été le sport préféré des Romains, le sport athlétique en tout cas, puisque évidemment, par ailleurs, dans les sports hippiques, c'était les courses de chars qui étaient le sport le plus populaire. Mais on connaît l'existence du pugilat, puisque le terme est latin, hein, en plus, hein, pugilatus, depuis la fin du 7e siècle avant notre ère, au moins. Et là, je cite simplement une phrase de l'historien Tite Live, qui parle de Tarquin l'Ancien. Tarquin l'Ancien, roi étrusque, qui a organisé autour de 600 des jeux plus somptueux que tous ceux qu'on connaissait jusqu'à présent à Rome. Et ce qui est intéressant, c'est le programme. Hein, en latin, c'était le mot ludicrum. Il indique que c'était des pugilistes, pugiles, et des chevaux. On retrouve là toujours les deux sports préférés des Romains. Et il précise, c'est important parce que ça oriente un petit peu les choses différemment, que tout cela venait principalement d'Étrurie. Et les influences étrusques ont été presque aussi importantes que les influences grecques sur le sport romain. Jean-Paul Tulli, hein, vous êtes latiniste bien sûr, mais étruscologue, j'aime beaucoup ce mot que l'on utilise très peu dans le langage quotidien, professeur émérite. Personne n'est parfait. À l'école normale supérieure. Non mais là, quand vous citez Tite Live, historien du 1er siècle, nous avons toujours ce mot qui revient, pugila. On peut faire un tout petit peu de vocabulaire parce que vous évoquez l'un et l'autre, la boxe. Est-ce que la boxe est comparable au pugila? Est-ce que c'est un synonyme? Alors, dans le langage français courant aujourd'hui, on utilise le pugilat soit pour désigner une bagarre désordonnée, soit pour désigner effectivement la boxe sous sa forme antique. Donc le terme, Jean-Paul Tuilier le disait, vient du latin. Dans la langue grecque, les choses sont assez proches. On parle de pugmé pour désigner la boxe. Ça désigne la boxe, ça désigne aussi le poing fermé. Donc c'est la même idée d'un poing qu'on ferme pour frapper. Y a-t-il d'autres sports qui ressemblent au pugilat à la boxe, parce que nous savons qu'aujourd'hui nous avons toute une variété de sports où deux personnes se tapent. J'imagine que les Grecs de l'Antiquité faisaient pareil. Alors, des sports de combat, il y en a toute une série. Il y en a trois principaux. Il y en a d'autres qui sont un peu moins connus. Les trois principaux, donc en dehors du pugilat, les deux autres sont la lutte et le pancrace. La lutte qui est un sport de préhension pure. Donc, on saisit, on crochète, on fait des clés de bras ou de coups à l'adversaire et on le projette. Et puis, il y a le pancrace qui est en fait une combinaison de toutes les techniques de préhension de la lutte, de toutes les techniques du pugilat. Le pugilat antique est une boxe de poings. On frappe uniquement avec les poings ou avec les mains ouvertes éventuellement. Donc, les techniques de saisie, les techniques de frappe à coups de poing et puis les coups de pied. Donc un pancratias, c'est quelqu'un qui est à la fois un lutteur et un boxeur. Ouais, parce que c'est ça hein, qu'il faut vraiment essayer de saisir. C'est la différence entre ces sports, mais à vous écouter, il y a des règles. Enfin, on sent bien que c'est extrêmement normé, on ne peut pas tout mélanger. Oui, il y a des règles. Alors, il y a des règles qui ont pour objectif de distinguer entre les disciplines. Donc, un lutteur n'a pas le droit de frapper et un boxeur n'a pas le droit de saisir ou d'attraper son adversaire pour un corps à corps. Donc, il y a des règles de distinction. Et puis, il y a des règles qui sont liées à la protection des athlètes. Donc, et ce sont des règles qui sont, en ce moment-là, communes à tous les sports de combat. On sait que lutteurs, boxeurs, pancratias n'ont pas le droit, par exemple, de mordre leur adversaire et n'ont pas le droit de mettre les doigts dans les yeux pour essayer d'énucléer son partenaire de combat. C'est pas plus mal d'ailleurs. Mais, parmi les différences, il y a en particulier le fait que, on l'a évoqué d'entrée, les boxeurs ont des gants, alors des gants entre guillemets, hein, ce qu'on appelait en latin le ceste, qui sont des armes extrêmement dangereuses, tandis que les lutteurs et les pancratias, même si le pancras était un sport évidemment assez dangereux par certains côtés aussi, n'ont pas de gants, parce qu'il s'agissait de, ces lanières de cuir qu'on a évoqué, parce qu'il s'agissait de saisir son adversaire dans les deux cas, et c'était quand même beaucoup moins facile avec la présence de ces lanières. Eh oui, parce que la lanière, c'est bien pratique pour donner un coup, mais pour attraper son adversaire, c'est beaucoup plus compliqué. Dès lors, nous comprenons pourquoi, pour le pancras, il n'y a pas ces lanières. Avec une mythologie, j'ai envie de dire, qui reste dans notre vocabulaire, hein, on l'a évoqué, le pugilat, c'est encore un mot que nous pouvons utiliser aujourd'hui au moment où des gens se tapent, mais pour le pancras, on le retrouve aussi dans le monde contemporain. Bien sûr, vous voyez, je crois qu'une grande partie des Parisiens qui ne se sont pas absentés pour les fêtes ont retrouvé avec joie le chemin de la foire du trône et ses cochons à pain d'épices. Et surtout, il y a la baraque du sportif Jackson, où le pancras, le catch et la boxe sont à l'honneur, et où vous pouvez vous mesurer à Saïd le battant, Garcia le corse, ou au catcheur allemand Müller, dit le margrave du biceps. Or, fendant la foule massée devant ce temple du muscle, j'ai échangé quelques mots avec un grand garçon blond qui venait de défier l'implacable teuton précité. Et pas quelques coups, hein? Ah, non. Et je lui ai demandé... Alors, vainqueur ou vaincu? Je l'ai eu. J'ai réussi quand même à l'avoir. Entre nous soit dit, qu'est-ce que ça vous a rapporté? Eh bien... Les honneurs? Les honneurs. C'est tout? Oui. Merci. Bah, c'est déjà pas mal d'avoir les honneurs. Nous étions en 1959 à la Foire du Trône, pas très loin de Paris. Jean-Manuel Roubineau, il y a plein de noms cités dans cette archive-là. Et en couverture de votre livre, à point fermé, donc cette histoire qui nous intéresse, hein, celle de ces sports de combat dans l'Antiquité, publiée auprès des universitaires de France, il y a un homme. Il y a une histoire vraiment incarnée ici. Ce sont des personnes dont, pour certains, les noms sont restés. Oui, certains d'entre eux, sont passés à la postérité, notamment ceux qui ont constitué un palmarès, donc qui ont obtenu des victoires dans les plus grandes compétitions. Donc on a des noms de champions qui ont été conservés, à la fois par, je dirais, les textes issus de la tradition manuscrite, les textes philosophiques, médicaux, théâtraux, etc. Et puis aussi à travers les inscriptions, parce qu'il y avait cet usage d'inscrire sur la pierre les palmarès des meilleurs des athlètes. Et donc on en connaît un certain nombre. Peut-être que le plus connu des boxeurs de l'Antiquité, c'est Théogénès de Thasos, qui est un boxeur donc originaire de la cité de Thasos, qui a triomphé à la boxe, mais aussi un peu au Pancras, au début du 5e siècle avant Jésus-Christ, puisqu'il a été champion olympique de boxe, puis de Pancras, en 480 et 476 avant Jésus-Christ. Et ces héros de l'Antiquité, c'est vrai que les noms, bah, vous voyez, vous les citez, alors ils sont peut-être moins connus aujourd'hui, mais enfin ils sont là, il est possible de savoir quel est leur destin. Jean-Paul Tullier. En revanche, alors là c'est une différence fondamentale entre la Grèce et Rome, on ne connaît pratiquement pas de noms de pugilistes ou d'athlètes romains. On connaît très bien un certain nombre de cochers, et là aussi on a des palmarès qui sont extrêmement détaillés, mais pour les athlètes c'est pas le cas, pour une raison très simple, c'est que les athlètes grecs étaient au départ en tout cas des citoyens, des hommes libres, hein, c'est un aspect qu'on pourra peut-être évoquer après, tandis que à Rome on est vraiment dans la société du sport spectacle. Et les athlètes sont la plupart du temps d'origine extrêmement modeste, et très souvent d'ailleurs, au départ en tout cas, des esclaves. Il y a une différence fondamentale, une sorte de ligne de partage entre la Grèce et Rome, puisqu'on a toujours tendance à parler des ressemblances et à ne pas évoquer cet aspect, c'est que l'historien Cornelius Nepos, pour citer un autre historien romain à peu près contemporain de Tite Live et de Cicéron, fait remarquer que en Grèce, il n'y a pas de marque d'honneur, de gloire plus grande que celle d'être couronné à Olympie, et par exemple dans le pugilat. Et en revanche, pour un citoyen romain, se présenter en public, disputer une compétition en public, c'est vraiment le début du déshonneur. Là, c'est vraiment une différence fondamentale. Bien sûr, les Romains ont fait du sport. Ils se sont entraînés dans différents lieux. Mais en compétition, ce ne sont pas des citoyens. Et il faudra attendre des périodes plus récentes où l'hellénisme aura beaucoup progressé dans la culture des Romains pour que les choses évoluent un peu. Et encore, ça reste vraiment une ligne de partage fondamentale. C'est très intéressant de voir cette différence parce qu'il y a un héritage évident et presque une forme de continuité et des ruptures. Et toujours dans cette réflexion de vocabulaire, boxe, pugilat, il y a eu le mot sport de prononcer. On peut parler de sport dans l'Antiquité ? Alors le mot, il n'y a pas d'équivalent dans la langue grecque ni dans la langue latine au sport moderne, puisque c'est un terme qui est issu de l'ancien français, des sports, des ports. Mais oui, la réalité est bien présente. Les Grecs ont inventé le mot pour dire athlète, le mot pour dire stade, le mot pour dire gymnase. Tous les éléments constitutifs d'une pratique sportive sont là, mais ils ont simplement pas éprouvé le besoin de rassembler l'ensemble de cette pratique sous un seul et même terme. Voilà, puis il y a ce mot. Ça c'est vraiment un sujet essentiel. Pendant longtemps, les historiens français, sociologues et autres, ont refusé d'utiliser le terme de sport pour l'Antiquité. On voulait réserver ça à une pratique qui débute au cours du 19e siècle dans le monde anglo-saxon. Et on refusait de parler du sport antique. Et je me rappelle au début, quand j'ai commencé à écrire des articles, c'était vraiment un problème récurrent, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on dit mais comment le sport, mais ça n'existait pas dans l'Antiquité. Alors évidemment, il y a un mot grec, il y a un mot latin, on parle des jeux, hein, ludi, mais il n'y a pas de terme correspondant au sport. Mais en réalité, les Grecs faisaient du sport et les Romains faisaient du sport et même peut-être plus que nous aujourd'hui. Et d'ailleurs, Jean-Paul Thuyé, vous avez écrit « Le sport dans la Rome antique et le sport dans l'Antiquité, Égypte, Grèce et Rome » avec Wolfgang Decker, comme quoi vous avez imposé ce mot de sport pour parler de l'Antiquité. Oui, absolument. Surtout que quand on regarde les éléments de définition du sport qui font aujourd'hui consensus, il y en a quatre principaux. On considère qu'une discipline peut être qualifiée de sportive si elle est motrice, si elle est compétitive, si elle est codifiée, donc il y a des règles, et puis si elle fait l'objet d'un encadrement institutionnel. Et tous ces éléments sont présents dans le sport antique. Donc il n'y a absolument aucune raison de se priver de l'usage du terme de sport pour caractériser les pratiques athlétiques antiques. Et puis il y a ces athlètes. Et oui, et il y avait en partie un thème qui revenait de façon permanente, c'était la question du record. On disait le record, c'est très important dans l'histoire du sport moderne et contemporain, alors que les anciens n'ont pas connu ça. C'est complètement faux. C'est-à-dire, quand vous lisez les inscriptions auxquelles Jean-Manuel Roubineux faisait allusion à l'instant, eh bien, il y a constamment des records qui sont enregistrés. Tel athlète est le premier à avoir fait telle chose, tel athlète est le premier à avoir remporté trois épreuves lors des Jeux Olympiques, par exemple. Évidemment, bon, il n'y a pas de temps, il y a très peu de mesures de longueur, ça c'est sûr, mais il y avait l'idée du record était parfaitement comprise des anciens. Jean-Manuel Roubineau. Oui, en sachant qu'il y a une petite difficulté qui est que d'une cité à l'autre, les standards de mesure, les unités de mesure changeaient. Et donc, courir la course de stade à Olympie, eh bien, ce n'est pas courir sur la même distance que si on court la course de stade à Delphes, à Némée ou à Athènes. Autrement dit, d'un concours à l'autre, d'une cité à l'autre, les mêmes épreuves qui portaient la même dénomination et étaient encadrées par les mêmes règles, d'une certaine manière, je dirais, ne suivaient pas tout à fait les mêmes conditions matérielles. Et à l'inverse, les athlètes sont connus dans l'ensemble du monde grec. Vous avez publié, Jean-Manuel Roubineau, une biographie de Milon de Crotone ou l'invention du sport. Bah, vous voyez, on a toujours ce mot de sport pour parler de l'Antiquité. Un personnage comme Milon de Crotone, c'est possible d'écrire sa biographie aujourd'hui tellement il est connu au sens où l'historien peut chercher des sources et construire un récit. Absolument, il a une notoriété. Alors c'est une des figures athlétiques qui a probablement connu la plus grande notoriété à l'échelle de l'ensemble de l'histoire de l'Antiquité, puisqu'on voit que son nom continue d'être cité en exemple de toute une série d'éléments, du corps idéal, de la force, de la vigueur, du courage, de l'exploit. Depuis l'époque de son existence, c'est-à-dire la fin du 6e siècle avant Jésus-Christ, les années 550-500, jusqu'à l'époque impériale. Et on trouve des références à Milon de Crotone autour de la Méditerranée, notamment dans les sources d'époque impériale, notamment les sources latines, mais aussi les sources grecques, qui font référence à Milon, qui n'a pas été oublié. Oui, hein, c'est ça, hein, Jean-Paul Thuyé. Les Romains sont héritiers aussi de cette histoire, ils en récupèrent une partie. Mais pour être bien sûr de comprendre, le pugilat, nous l'associons aux Grecs, mais on peut le dire, déjà les Étrusques avaient des sports qui pourraient être similaires et on va retrouver ce phénomène-là un peu partout. On n'est pas sur la naissance d'une forme de sport à un endroit précis qui serait la Grèce. Non, mais par exemple, pour les Étrusques, c'est même caractéristique de voir que les Étrusques pratiquaient la boxe avec accompagnement musical, c'est-à-dire avec la participation de ce qu'on appelle un flûtiste, ce qui est une erreur du point de vue musicologique, mais enfin bon, c'était cette double flûte, entre guillemets, qui accompagnait les boxeurs, évidemment pour rythmer leurs efforts. Alors ce sont les Grecs qui nous parlent de ça, pour accuser, comme ils le font habituellement, les Étrusques de mollesse, ce qui était complètement absurde, puisque c'était au contraire pour exciter les combattants. Mais au moins, si l'on dépasse cette critique absurde, cela nous permet de voir comment pratiquement les choses pouvaient se passer dans l'Antiquité. Et, ce pugilat accompagné musicalement fait évidemment penser à la boxe thaïlandaise, par exemple, où il y a un orchestre, et ce n'est pas le seul sport qui se pratique avec l'accompagnement d'un musicien ou même d'un petit orchestre. Jean-Manuel Roubineau. Oui, alors les Grecs, effectivement, ne pratiquaient pas la boxe en musique, mais pour autant, ils instituent un lien entre la boxe et la danse. On a une partie du vocabulaire des descriptions de la boxe et des descriptions du vocabulaire de la danse qui sont communs. Le verbe kaironomeo, par exemple, désigne le fait de faire des gestes de boxe ou de faire des gestes de danseur. Et donc, il y a l'idée, malgré tout, d'une intimité de la gestuelle du boxeur et du danseur. Ouais, parce qu'il y a cette proximité avec différentes formes d'art, et on peut considérer que l'activité physique menée à son comble, alors la victoire c'est une chose, mais la construction du corps aussi en est une autre, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas comprendre ce moment sportif sans comprendre le reste de la société. Oui, d'une certaine manière, le sport véhicule. Alors, c'est toujours compliqué de savoir si le sport véhicule des valeurs qui lui préexistent et dont il est simplement le relais, ou s'il a été une forme de chaudron dans lequel des valeurs se sont construites et qui ont ensuite diffusé à l'échelle de la société. On voit ça, par exemple, avec le rapport au concours et à la compétition. Les Grecs avaient un rapport très fort et un goût particulier pour la compétition qu'ils déclinaient dans de très nombreuses activités. Il y avait des concours de théâtre, il y avait des concours de cardeuse de laine, il y avait des concours de peinture, de dessin, etc. Tout invite à penser que les premières formes de compétition sont des formes de compétition physique, athlétique, et que ce goût et cet intérêt de la compétition s'est déployé dans le sport et puis ensuite a contaminé toute la société. Jean-Paul Tullier. Oui, il y a par exemple des ballets de la boxe, c'est-à-dire des danses qui sont faites avec plusieurs personnages qui simulent des gestes qui sont ceux de la boxe, et le monde étrusque également connu ça. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que l'opposition entre culture, art et sport est déjà présente dans l'Antiquité. Il y a deux textes qui sont très révélateurs pour le monde romain, en tout cas, et ce ne seraient pas les seuls qu'on peut citer. C'est un texte de Terence, l'auteur de comédie, et un texte d'Horace qui raconte la chose suivante. C'est alors qu'il y avait une pièce de théâtre qui était donnée devant des spectateurs, on apprend, les spectateurs apprennent qu'il y a un combat de boxe qui se déroule pas très loin. Et à ce moment-là, on voit tous les spectateurs se lever et se diriger vers les pugilistes. Dans un autre cas, on cite les gladiateurs ou un montreur d'ours, mais ça montre bien l'opposition entre l'aspect littéraire, le spectacle littéraire d'un côté et le spectacle sportif de l'autre. Vous avez brandi Terence et Horace, et bien moi, je viens avec Virgile. Tous deux, les poings en avant, se dressent sur leurs pieds, lèvent leurs bras. Ils rejettent leur tête en arrière, loin des coups. Leurs mains se lèvent, ils engagent la lutte et se portent 1000 coups perdus. Antel reste immobile et par d'adroits mouvements ne fait qu'esquiver. Antel se dresse, lève son bras. Darès voit venir le coup et par un vif écart s'y dérobe. Antel perd son effort dans les airs et de lui-même entraîné tombe à terre de tout son poids. Troyens et Siciliens se lèvent, émus. Un immense cri monte au ciel. Mais le héros que sa chute n'a ni affaibli ni épouvanté revient plus furieux au combat. La colère, la honte, le sentiment de la gloire ont irrité son courage et rallumé son sang. Il pousse Darès çà et là dans l'arène, redoublant ses coups, sans trêve ni répit. Comme tombe la grêle, ainsi pleuvent les coups sur Darès. Ainsi Antel chasse et culbute Darès. Un extrait du chant 5 de l'Énéide de Virgile, lu par Olivier Martineau dans le cours de l'histoire. C'est intéressant avec Virgile parce que nous sommes avec un auteur latin du 1er siècle avant Jésus-Christ, mais qui évoque un monde ancien, c'est l'Énéide. Donc là, nous sommes projetés dans un monde grec. Que vaut une telle source? Quand Virgile parle d'un combat, de quoi parle-t-il? Il parle d'un combat fantasmé tel qu'il aurait pu traverser le temps par un récit particulier? Ou bien est-ce ce qu'il voit, et c'est comme ça que se battaient les gens dans ce combat entre Darès et Antel? Oui, alors les Jeux funèbres, c'est un passage obligé de toute épopée depuis Homère, depuis le chant 23 de l'Iliade avec les funérailles en l'honneur de Patrocle. Mais c'est pas seulement un texte littéraire, parce que c'est très intéressant de voir le détail des indications données par Virgile. Et en particulier, ça permet de comprendre que les coups dans le pugilat, c'est un point que j'ai discuté avec Jean-Manuel Roubineau à plusieurs reprises, ne sont portés qu'à la tête. Et ça implique beaucoup de choses. Et ça me fait penser à un texte pour parler d'auteurs grecs également, de Philostrate, mais qui écrivait quand même au IIIe siècle de notre ère un traité sur la gymnastique, qui dit à propos des boxeurs, de la morphologie des boxeurs, « Ah, c'est bien d'être mince, agile, parce que ça permet d'éviter les coups plus facilement. Mais, comme les coups ne sont donnés qu'à la tête, c'est très bien d'avoir un énorme ventre, parce que c'est beaucoup plus difficile pour l'adversaire de le toucher à la tête. » Et il y a quand même pas mal de représentations sur des vases attiques à figure rouge ou à figure noire, qui montrent quand même des athlètes qui sont lourds, et ça renvoie à quelque chose dont on reparlera peut-être, c'est qu'il n'y a pas de catégorie de poids. Hein, c'est un point évidemment essentiel. J'ajoute simplement pour terminer là-dessus que c'est très intéressant ce passage, parce qu'il y a toute une série de mosaïques romaines qui ont été trouvées à Aix-en-Provence, ou dans la région d'Aix-en-Provence, qui montre précisément la fin de ce combat entre Darès et Entelle. On voit l'importance que pouvait avoir dans la culture artistique et littéraire de cette époque ce passage de Virgile. Jean-Manuel Rubino, au moment d'écrire « À point fermé », vous bénéficiez de sources iconographiques sensationnelles. Il y en a tant que ça pour la Grèce antique qui représente des boxeurs? Alors, je me suis situé en fait à l'échelle du monde gréco-romain, qui est un petit peu plus large. Mais oui, on a beaucoup de documentation. On a de la petite statuaire, on a un tout petit peu de grande statuaire, essentiellement des copies romaines de statues grecques qui sont parvenues jusqu'à nous. Et puis on a, un corpus qui est très riche, qui est celui des scènes sur vase. On a environ un demi-millier de scènes sur vase qui sont parvenues jusqu'à nous. J'entends de scènes pugilistiques sur vase, donc ce sont des vases peints qui datent des années 600 à 300 avant Jésus-Christ environ, sur lesquels on peut observer des boxeurs en train soit de s'affronter, soit d'attendre l'affrontement, soit avec un boxeur qui abandonne alors que l'autre poursuit son action, où on voit un arbitre en train d'intervenir. Autrement dit, ce sont des scènes qui nous documentent à la fois sur l'anatomie des boxeurs, sur le répertoire technique, et puis aussi, je dirais, sur l'environnement mental de la boxe, les craintes des boxeurs, et notamment la crainte de subir le coup de trop et de ne pas abandonner suffisamment tôt avant d'être durement frappé par son adversaire. Et pour faire écho à ce que disait Jean-Paul Tullier, nous sommes avant le combat, organisons un peu tout ça. Donc il n'y a pas de catégorie de poids? Non, il n'y a pas de catégorie de poids dans l'Antiquité. Les seules catégories sont des catégories d'âge qui varient d'une compétition à l'autre. À Olympie, qui est, on va dire, le concours qui est considéré comme le plus traditionnel, le plus stable dans ses règles durant l'Antiquité, on a deux catégories d'âge. Les 12-18 ans, les garçons, et puis les plus de 18 ans, les adultes. Mais pas de catégorie de poids, et c'est une des raisons pour lesquelles les sports de combat, lutte, boxe, pancrace, sont décrits comme des sports lourds, parce que pour prospérer dans ces disciplines, bien, il faut avoir une masse corporelle importante, et donc il y a toute une série d'éléments de préparation, et notamment de diététique, qui sont impliqués par cette nécessité. Alors, il faut être lourd, mais pas forcément toujours également lourd. C'est-à-dire que les boxeurs ne font en général pas la même masse que les lutteurs. En tout cas, dans les images, on voit bien que les peintres ont le souci de distinguer entre les lutteurs adultes, qui sont souvent très massifs, avec un très très gros ventre parfois, des boxeurs qui, pour des raisons de mobilité liées à la discipline, ont besoin d'être un peu moins massifs. Ils peuvent être lourds, mais il faut que ça reste une mobilité utile. Il faut pouvoir déplacer de manière très explosive sa masse. Autrement dit, les boxeurs ne sont pas les plus lourds des athlètes de l'Antiquité, mais ce sont quand même tous ce qu'on considérerait aujourd'hui comme des poids lourds. C'est une histoire du corps, hein. C'est pour ça qu'on va retrouver aussi dans les traités médicaux des informations sur ces sportifs. Parce que il n'y a pas simplement la construction d'un corps plus ou moins adapté à un sport, il y a aussi l'hygiène de vie. Alors ça, c'est quelque chose qui est passionnant, parce que c'est pas très rigolo d'être pugiliste. Hein. Non, c'est pas très rigolo. Il y a ce concept grec de dieta qui a donné notre diète. Aujourd'hui, la diète en français, c'est un régime alimentaire. Dans l'Antiquité, la dieta, c'est un mode de vie complet qui combine en fait quatre éléments. L'exercice, donc, l'entraînement quotidien, la quantité de sommeil, la sexualité, ou plutôt la vie sexuelle, et puis l'alimentation. Et donc, pour rester sur ces deux derniers éléments, on est supposé, quand on est boxeur, se soumettre à un principe d'abstinence sexuelle. Pour des raisons qui sont liées à la conception que les Grecs avaient du corps, c'est une conception en fait issue, ou en tout cas formalisée par la médecine hippocratique, il y a cette idée que le sperme est une forme de sang cuit, et donc avoir une vie sexuelle, c'est perdre du sang. Et perdre du sang, c'est donc perdre de la vigueur. Autrement dit, on recommande aux athlètes, pour être forts, vigoureux et même féroces, en fait, d'être abstinents durant les phases de préparation. Et donc, on a des exemples d'athlètes parvenus jusqu'à nous, qui étaient particulièrement sourcilleux à l'égard de cette règle. Le meilleur exemple, c'est peut-être Kleitomakos, pardon, de Thèbes, qui est un athlète qui a triomphé à la fin du 3e siècle avant Jésus-Christ. Il a été champion olympique en 216 et en 212 avant Jésus-Christ. Et il était réputé, en plus d'être abstinent, quitter un banquet dès que quelqu'un tenait un propos salace ou évoquait une question amoureuse, ou même quand il se promenait dans les rues de sa cité, Thèbes, détourner le regard s'il voyait des chiens copuler. Alors on est dans l'anecdotique ici, hein, bien sûr, mais ça restitue bien l'idée qu'il y avait une vigilance à l'égard des effets de la vie sexuelle sur la performance. Gros dodo et pas de quicouterie. Mais on peut être surpris, là je parle de la Grèce, puisque pour Rome, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des professionnels, souvent des esclaves au départ, donc on comprend qu'ils aient participé à ce spectacle. Mais pour la Grèce, où c'était souvent des citoyens, on peut être surpris du fait que même des citoyens, des hommes libres appartenant un certain statut social, et pu se livrer à la boxe avec toutes les conséquences que ça avait sur la figure des gens, moins sur le corps, puisque donc c'était essentiellement à la tête. Mais les oreilles en chou-fleur, le visage complètement tuméfié, ça revient dans toutes les descriptions. Et c'est quand même un peu étonnant. J'avais essayé de voir quelle était l'origine sociale de ces boxeurs, s'ils étaient d'une origine sociale inférieure par rapport à celle d'autres athlètes, comme les coureurs du stade, par exemple. Mais c'est très difficile, parce que on a peu de renseignements sur les origines sociales exactes. On en a quelques-uns de temps en temps, mais pas beaucoup. Il m'a semblé que certains pugilistes étaient peut-être socialement inférieurs au départ à d'autres athlètes. Mais difficile. Difficile à dire, c'est vrai. C'est toujours cette question des sources, Jean-Manuel Rubino. Oui, en fait, on a une certaine variété des profils sociaux. C'est-à-dire qu'on a tendance, quand on s'intéresse à la boxe, à partir du cas de la boxe moderne et de la figure du hungry fighter, du boxeur qui a faim, du boxeur issu des bas-fonds et qui essaie de se sortir de sa condition sociale par la boxe. Mais la difficulté de ce modèle, c'est qu'il ne s'applique pas bien à l'Antiquité pour une raison précise, qui est qu'aujourd'hui, en tout cas dans les sociétés développées en paix, la boxe constitue, on va dire, un des postes les plus avancés de la violence sociale. C'est-à-dire que c'est une des activités sociales les plus violentes auxquelles on puisse s'adonner. Alors que ça n'est pas le cas dans les cités grecques et les cités romaines antiques, dans la mesure où, pour la plupart des hommes adultes, un jour ou l'autre, dans son existence, dans son processus biographique, on va être conduit à faire la guerre. Autrement dit, le poste le plus avancé de la violence sociale dans les cités, c'est la guerre. Sur cette base-là, tous les hommes sont, d'une certaine manière, préparés à l'idée et aussi à la pratique de la guerre. Et en regard de la guerre, la boxe est forcément perçue comme quelque chose, comme une activité sociale qui est finalement moins violente et moins sacrificielle. Autrement dit, le commerce du corps qui a lieu dans la boxe contemporaine et qui consiste à donner, je dirais, contre de la douleur et des cicatrices et obtenir en échange de cela, je dirais, de la réussite sociale, c'est un modèle qui fonctionne pas bien appliqué à l'Antiquité. Eh oui, toujours sur mes films de représentation. Oui, on a quand même des textes, même s'ils sont un peu caricaturaux, évidemment, comme les satires de Lucilius, qui indiquent que... alors, il y a toute une série d'épisodes absolument fantastiques. Alors, exagération, certes, mais quand même, tel boxeur qui revient d'un combat n'est pas reconnu par sa femme. Tel boxeur, au bout de sa carrière, ne peut plus hériter de son père, parce que on dit, mais on ne le reconnaît pas, j'allais dire sur la photo, si vous voulez, par rapport à sa pièce d'identité. Et donc, si ça existait. Et donc, il y a quand même une déformation, et c'est une caricature, hein, j'entends bien, encore une fois. Mais c'est un peu étonnant de voir que des hommes, quand même dans une société où la beauté, kalos, kagatos, c'est l'idéal du grec, jouait un rôle important, c'est étonnant de voir qu'on a pu se livrer à ce genre, de même si la guerre, évidemment, est une explication très importante. Oui, et puis vous évoquiez la statuaire tout à l'heure, et précisément les cicatrices, en fait, sont érigées en blason de vertu, c'est-à-dire que le fait d'être physiquement abîmé traduit un certain nombre de qualités morales. Et en cela, on ne peut pas complètement convertir, comme on le ferait aujourd'hui, la cicatrice en laideur, dans le sens où elle est d'abord et avant tout la traduction d'un comportement, de la vaillance dans les compétitions. Autrement dit, c'est une situation qui est assez différente de la nôtre. Et puis une cicatrice qui est compréhensible dans le cas du pugiliste des termes, celui que nous évoquions en début d'émission. Ben il a les mains bandées, donc on sait que ce n'est pas un esclave vaincu parce que ses cicatrices sont signifiantes. Il est boxeur. Oui, elles sont signifiantes et elles sont figurées de manière véritablement délibérée par les sculpteurs et même avec, je dirais, un souci de complexité technique, puisqu'on sait que les cicatrices, en l'occurrence du pugiliste des termes, ont été complétées par des coulures de cuivre rouge. C'est-à-dire que quand la statue a été fondue, pendant qu'elle refroidissait, on a fait perler du cuivre rouge dans les cicatrices de manière à restituer l'écart de coloration entre les cicatrices et le reste du corps. Donc il y a une vraie volonté de l'artiste de montrer les cicatrices. Elles ne sont pas du tout perçues, en tout cas pas uniquement comme un pis-aller ou un effet secondaire regrettable de la pratique de la boxe. C'est quelque chose qu'on affiche et dont on a lieu d'être fier. Urpercute dans la cité et dans le cours de l'histoire sur France Culture, le pugilat secoue la Grèce, boxe. Quatre boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Boxe, boxe, ô déesse de pierre. Quatre boules de cuir, mes poings contre les siens. Moi le jeune puncher, boxe, boxe. Lui le vieux Kid Marin. Kid Marin c'est un grand, et Dieu sait que je l'aime. Mais ses gants et mes gants ne pensent pas de même. OTS de pierre, pour atteindre ton cœur, il n'est qu'une manière. Boxe, boxe, boxe, il faut être vainqueur. Quatre boules de cuir sur quatre pieds de guerre bombardent le plexus. Boxe, boxe, l'angle du maxillaire. Quatre boules de cuir dans la cage du ring, son crochet je l'encaisse. Boxe, il esquive mon swing. Kid Marin, j'en ai marre de notre réunion. Je vais te faire voir qu'il est de les champions. Boxe. Quatre boules de cuir et soudain de qui roulent, répandant leur châtaigne dans le cri de la foule. La joue sur le tapis, j'aperçois les chaussettes de l'arbitre là-haut. 4, 5, 6, 7, boxe. Enfant, je m'endormais sur des chaos de rêve. Et c'est moi qu'on soutient, et c'est moi qu'on soulève. Et voici les vestiaires, on dépend de mes mains. Kid Marin, viens me voir, ça ira mieux demain. Ô déesse de pierre, je prendrai ma revanche et j'aurai ton sourire. Boxe. Comme une maison blanche. Oui, j'aurai ton sourire, point final de mes poings. Même si dans les coins, boxe, boxe, j'y vois encore luire. Quatre boules de cuir, quatre boules de cuir. Quatre boules de cuir, Claude Nougaro en 1968, dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares et Sam Bakiast, avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger aujourd'hui. Allez, c'est direction le ring pour du pugilat. Mais alors attention, Jean-Manuel Rubino, en écho à ce mot ring ou à ce qu'on vient d'entendre de Claude Nougaro, doit-on se départir complètement de notre représentation actuelle de ce qu'est la boxe pour comprendre ce qu'était le pugilat dans l'Antiquité ? Mais il y a à la fois des points communs très très forts et puis des différences assez marquées. Je dirais que la boxe antique se distingue de la boxe moderne, ce sens qu'elle, si j'ose dire, elle ne suit pas les règles du marquis de Queensberry qui date de 1867. Donc il n'y a pas de rounds. Pas de pause entre des rounds, donc il n'y a pas de pause systématique dans la boxe antique, même si parfois les athlètes pouvaient d'un regard et d'un commun accord prendre quelques respirations. Donc pas de round, pas de pause, pas de catégorie de poids, et pas de ring. Donc pas d'espace fermé, clos sur lui-même, ou de cordes sur lesquelles on pourrait s'appuyer pendant qu'on est frappé. Donc ça, ce sont des différences considérables, même si cette absence de ring est parfois compensée par un dispositif que les Grecs appelaient la climax, qui ressemble à, si on veut, une échelle posée au sol. On peut qualifier ça de... c'est une ridelle, si vous voulez, c'est-à-dire qu'une forme de barrière avec des axes transversaux et des axes centraux, axaux, qui posaient au sol, obliger les athlètes à rester à distance de frappe. Et donc on utilisait ce dispositif quand un ou deux ou les deux athlètes s'évitaient. Et quand le combat de boxe tirait en longueur et du coup devenait ennuyeux à suivre pour les spectateurs, eh bien on installait cette climax. Il y avait deux appariteurs qui la posaient au sol. On faisait prendre leur distance aux deux pugilistes pour savoir à quel endroit il fallait les placer pour qu'ils soient à distance de frappe. Et le combat se poursuivait ainsi. Autrement dit, pas de ring, mais parfois une forme de pseudo-ring. Mais alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites là, parce qu'il ne faut pas que ça tire en longueur pour pas ennuyer les spectateurs. Donc il y a un petit côté spectacle dans cette histoire. Ah oui, la boxe est clairement en compétition un spectacle. Au quotidien, on est tout seul avec ses camarades d'entraînement au gymnase, mais au stade, la boxe devient un spectacle. Et pour les grandes compétitions, ce sont plusieurs dizaines de milliers de spectateurs qui peuvent assister au combat. Et c'est un paramètre important aux yeux des Grecs. Il y a cette idée qui est explicitée dans la documentation que perdre à Olympie, devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, ça n'est pas la même encoche à l'ego que de perdre dans une petite compétition locale. Autrement dit, il y a un supplément de gloire dans les concours qui attire beaucoup de pèlerins et de spectateurs, et aussi un supplément de honte pour tous ceux qui y perdent. Et puis, comme nous fonctionnons en effet domino dans le cours de l'histoire, vous venez de citer ce mot, pèlerin, parce qu'il n'y a pas que du spectacle dans la boxe de l'Antiquité. Alors, les concours athlétiques, de même que les concours hippiques ou les concours musicaux, sont, pour la plupart d'entre eux, pas tous, mais pour la plupart d'entre eux, sont insérés en fait dans des fêtes religieuses. Donc les compétitions, et donc les combats de boxe en l'occurrence, font partie d'un programme religieux qui intègre procession, sacrifice. Autrement dit, on est placé sous l'autorité d'une divinité quand on combat. Et c'est la même chose dans le monde romain. Est-ce que entre ce côté spectacle et ce côté religieux, il n'y en a pas un qui l'emporte sur l'autre ? Moi, je suis persuadé, mais là c'est un débat aussi, que le côté spectaculaire l'emportait largement, et que quand les gens venaient au cirque, par exemple, pour regarder des courses de chars, ils oubliaient un peu, après avoir vu la pompa, c'est-à-dire la procession, qui avait un caractère religieux très marqué. Bon, après, je pense qu'ils oubliaient vraiment le côté religieux pour être surtout intéressés par le côté sportif. Mais ça, c'est un débat entre nous, entre historien, à tel point même que je me suis insurgé contre des collègues qui faisaient un livre sur le grand cirque de Rome, le Circus Maximus de Rome, sans pratiquement faire allusion aux compétitions, aux épreuves qui se déroulaient dans le cirque, ce qui me paraissait une vision absolument aberrante de la société romaine. Je reviens une seconde sur ce que disait Jean-Manuel Roubineau à propos de la longueur des combats. Il y a un exemple qu'il connaît bien, qui est celui du boxeur Mélancomas, du 1er siècle de notre ère, qui avait cette spécialité de se protéger la tête avec ses poings, ses mains, de façon tellement extraordinaire que personne n'arrivait à le toucher. Autre preuve d'ailleurs que les coups étaient donnés principalement à la tête. Et donc là, il gagnait en épuisant ses adversaires qui tournaient autour de lui, mais qui n'arrivaient jamais à obtenir le moindre résultat. Et ça, c'est assez intéressant. Quant au pugiliste des termes, auquel on a fait allusion à plusieurs reprises, on s'est beaucoup interrogé aussi sur la personnalité de ce boxeur. Était-ce une vedette ? Était-ce un personnage mythologique ? On a beaucoup dit que ça pouvait être un personnage mythologique. Et même sur la question des reprises, des rounds, il fournit un élément parce qu'on s'est aussi demandé si il ne se reposait pas entre deux reprises, avec l'accord évidemment de son adversaire, puisque il n'y avait pas de reprise officielle. Oui, ça, il y a malgré tout une surveillance, parce que des coups autorisés et des coups interdits, donc ça veut dire qu'il y a une forme d'arbitrage. Il y a des arbitres, oui. Il y a des arbitres qui sont à proximité. Enfin, il y a un arbitre qui est à proximité des deux athlètes, prêt à intervenir si des gestes interdits sont accomplis, qui est muni d'un fouet, d'une verge, d'un long bâton, si vous voulez, avec lequel il n'hésite pas à frapper l'athlète fautif ou les deux athlètes si ils sont encore à corps et qu'il faut les séparer. Mais pour venir à ce que disait Jean-Paul Tuillier sur l'athlète Mélancomas, c'est une figure athlétique philosophique, ce qui est assez rare, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a été érigé en personnage vertueux précisément, et donc ce style pugilistique de Mélancomas qui consistait à ne pas frapper mais à épuiser ses adversaires par la force et la persistance de sa garde, c'est d'abord et avant tout en fait un exemple d'athlète qui est érigé en figure philosophique. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que on constate dans la documentation qu'on a des styles de pugilistes en antiquité comme aujourd'hui. Il va y avoir des rentreurs, il va y avoir des frappeurs, il va y avoir des stylistes. Et Aristote lui-même, quand il évoque l'éducation qui est donnée aux petits garçons et aux jeunes garçons et aux adolescents, indique qu'un bon maître de boxe va adapter ses instructions et le style de boxe développé au profil de l'enfant ou de l'adolescent. Et donc chacun n'aura pas naturellement, je dirais, les mêmes prédispositions pour le même type de pugilat ou le même style de pugilat. On comprend que le mot sport est complètement pertinent pour cette réflexion, parce que c'est une conception totale pour mener à une activité physique, mais qui n'est pas uniquement physique, Jean-Paul Tuillier. La question du fouet des arbitres, auquel on vient de faire allusion, est assez intéressante, parce que c'est très étonnant que dans la société grecque, des citoyens, des hommes libres, aient pu être fouettés et en public. C'est quand même un cas, ça montre bien justement que les jeux, les agones, comme on disait en grec, étaient un univers assez différent de celui de la société normale. Oui, et puis on n'est pas un paradoxe près, parce qu'être fouetté par des verges pour ceux qui font preuve d'abstinence, c'est incompréhensible. Oui, juste pour poursuivre sur cette question de la violence ou la coercition physique. En fait, on a un certain nombre de traces ailleurs de cette forme de coercition. C'est-à-dire qu'on a le magistrat des marchés dans les cités grecques, l'agoranum, est muni d'un fouet. Et donc, s'il y a des conflits entre le vendeur et l'acheteur, eh bien, il peut intervenir manu militari. De la même manière, le professeur de lettres ou le professeur de musique peut venir discipliner les enfants. D'ailleurs, c'est le même verbe dans la langue grecque, paideo, qui désigne le fait d'enseigner et de discipliner au sens coercitif du terme les enfants. Autrement dit, il ne faut pas oublier que les Grecs avaient, on va dire, un niveau de tolérance à l'égard de la violence physique qui était en fait plus grand que le nôtre. Eh oui, c'est ça, hein. C'est aussi se départir, mais on le dira jamais assez, de toutes nos représentations. Et c'est vrai que la violence est au cœur de cette réflexion, parce que pour nous, le match de boxe peut se terminer par un chaos. Attention! Cerdan paraît danser la danse du scalp. Il va porter l'estocade. Une droite, puis de très près, gauche, gauche, et Davis s'écroule touché au menton. 5, 6, 7, 8, 9, 10, out. C'est fini. L'anglais transporté dans son coin. L'enthousiasme de la foule éclate. Une fois de plus, notre étourdissant Marcel Cerdan s'est ouvert la route du championnat du monde. Le tout en 2 minutes 55 secondes. Le 26 octobre 1945, Marcel Cerdan bat l'anglais Tommy Davis. Et là, nous avons du chaos, qui est une manière de remporter un combat de boxe. Il y a sinon au point avec les rounds à un temps donné. Mais Jean-Manuel Rubino, qui gagne à point fermé? Je reprends le titre de votre livre dans l'Antiquité. Celui qui gagne, c'est celui qui n'abandonne pas. C'est-à-dire que la fin normale d'un combat de boxe dans le stade, c'est l'un des deux combattants qui comprend qu'il est totalement débordé, qui n'arrivera pas à reprendre le dessus sur son adversaire, et qui dresse un doigt ou deux doigts, ou éventuellement le poing fermé, pour signifier à son adversaire et à l'arbitre son intention d'abandonner. Donc la fin normale du combat, c'est l'abandon, et de fait, on ne retrouve pas dans la documentation antique une place accordée au KO qui soit identique à celle que le KO a dans les récits de boxe contemporaine, moderne. Il n'y a pas de mythologie du KO. Aujourd'hui, le KO, c'est vraiment un concept qui est très présent, et j'ai envie de dire, même quelqu'un qui ne serait pas familier avec les différentes boxes qui existent à l'échelle de la planète, est familier avec le concept de KO. Et il y a une raison à cela, c'est que le KO, c'est la victoire incontestable, ou la défaite incontestable. C'est-à-dire que quand on est mis KO, on ne peut pas contester le résultat du combat, sauf si c'est un KO consécutif à un mauvais coup, bien sûr. Mais dans l'Antiquité, dans la mesure où la fin du combat normal, c'est l'abandon des deux adversaires, de l'un des deux adversaires, eh bien, nécessairement que la victoire, elle est dès lors incontestée, puisque l'un des deux a reconnu devant l'ensemble des spectateurs son infériorité, en tout cas sur le moment. Jean-Paul Tuyer, vous levez le doigt, c'est pas pour abandonner c'est le combat. C'est pas pour abandonner, mais justement, il y a un passage à propos des Spartiates qui est assez révélateur et assez intéressant. On nous dit, ce n'est pas sûr d'ailleurs historiquement, mais on nous dit que les Spartiates participaient à la lutte sans problème, parce que à la lutte, on est vaincu quand on est projeté trois fois au sol. Hein, c'est des règles évidemment assez différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui. Et là, on est battu, mais on n'a pas reconnu sa défaite. Simplement, on est battu à la suite de trois tombées. Tandis que à la boxe et au pancras, il y a toujours le risque d'être obligé d'abandonner devant le public en levant le doigt, par exemple, comme on vient de le dire. Et ça, pour l'orgueil des Spartiates, c'était quelque chose d'absolument intolérable. Oui. Donc c'est intéressant parce que ça montre bien la différence de comportement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce petit texte, en fait, ces textes qui évoquent cette interruption par les Spartiates d'un engagement sportif dans les concours de boxe et de pancras, il est en tout cas pour partie confirmé par l'inventaire des victoires des Spartiates à l'échelle de l'ensemble de l'Antiquité. Et on voit dans les concours pour lesquels on est documenté que les Spartiates sont plus présents, nettement plus présents dans les concours de lutte, dans les palmarès, qu'ils ne le sont dans les concours de boxe et de pancras. Donc jusqu'à un certain point, il y a dû avoir une forme de vérité à cette hostilité, ou en tout cas réticence des Spartiates à l'égard de ce geste symbolique de l'abandon dans les compétitions. Et puis nous évoquons bien sûr les individus, les athlètes, mais ces athlètes correspondent aussi à une identité de cité. Ça, c'est très important peut-être de le souligner aussi. Combien une victoire pour un homme, un combattant, un pugiliste, c'est aussi une victoire pour la cité. Oui, alors c'est tout le paradoxe du système antique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection nationale. Quand on se présente au concours olympique, ou pythique, ou ismique, ou néméen, on y va de son propre chef, à son initiative. Après, on va être admis à concourir ou pas par les juges. Donc il y a une procédure d'admission, mais en tout cas on y va à son initiative. La cité ne trie pas entre les athlètes qu'elle enverrait ou qu'elle n'enverrait pas aux grandes compétitions. Mais ensuite, si un athlète remporte une victoire, remporte une couronne, remporte un prix, alors là la cité d'une certaine manière court après la victoire, dans le sens où elle considère qu'une partie de la victoire lui appartient, en tout cas ruisselle sur sa propre réputation. Et ça a des effets induits assez nombreux, notamment le fait que certains athlètes utilisent cela. On a le cas, par exemple, d'un jeune athlète qui s'appelait Athénodoros, qui était un étranger résident d'Éphèse, et qui est devenu champion olympique autour de 300, et qui a eu cette espèce d'idée géniale de se faire proclamer Éphésien, ou plutôt de proclamer Éphèse vainqueur de sa compétition, alors qu'il était étranger, donc il n'était pas issu d'une famille de citoyens d'Éphèse, et qu'ont fait les Éphésiens quand il est revenu chez lui? Eh bien, ils lui ont accordé la citoyenneté éphésienne. Autrement dit, il y a un jeu de bénéfices mutuels entre le champion et la cité d'origine du champion. À quel moment ça s'arrête, cette histoire de pugilat? Nous savons que, eh bien, dans l'évolution, sur le temps long, parce que nous parlons d'un temps très long, cette civilisation grecque et romaine et gréco-romaine, à quel moment voit-on disparaître ces combats? À la fin de l'Antiquité, romaine en tout cas, on voit encore, enfin dans le monde gréco-romain, on voit encore des combats de pugilat qui sont parfaitement à la mode, si je puis dire. Bon, alors après, on tombe dans l'histoire du sport au Moyen-Âge, où c'est sans doute la lutte qui, à ce moment-là, a été le sport lourd, pour reprendre l'expression qu'on utilisait tout à l'heure, qui a été le sport le plus fréquent. Mais on peut penser que dans des conditions un peu particulières, il y avait aussi formes de boxe. Et en particulier, c'est quelque chose qu'on n'a pas cité jusqu'à présent, dans le monde romain, il y a eu des combats par équipe, si je puis dire, collectifs. Et là, comme il y avait parfois des combats de gladiateurs en équipe, des mots très particuliers pour le dire en latin. Et là, on retombe un petit peu dans des habitudes folkloriques, si je puis, entre guillemets, où effectivement, entre classes d'âge ou entre villages, il pouvait y avoir des bagarres de ce type-là. Et plus tard, avec la soule, par exemple, il y avait des aspects qui n'étaient pas très éloignés du pugilat. Mais du pugilat dans les deux sens qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, qui est devenu le combat contemporain, mais simplement la petite bagarre un peu improvisée. Oui, en fait cette question de la fin de la boxe, elle est très liée à la question de la fin du sport dans l'Antiquité, qui a fait l'objet de modèles d'interprétation très très différents. Pendant très longtemps, on a considéré que c'était un édit de Théodose qui, à la fin du 4e siècle après Jésus-Christ, avait mis fin au concours tout simplement païen, si vous voulez, non chrétien, polythéiste. Et puis on s'est rendu compte qu'en fait, après cet édit, il y avait encore des traces de compétition et de champions. Autrement dit, aujourd'hui, la documentation dont on dispose pousse à considérer que c'est tout simplement une forme de désaffection pour le phénomène sportif progressive à partir du 3e siècle, qui s'est étalée jusqu'au début du 5e siècle après Jésus-Christ, qui a abouti à la disparition probable de la boxe et de la plupart des disciplines sportives antiques. Et pour retrouver cette boxe antique, Jean-Manuel Robineau, hein, vous êtes maître de conférence en histoire grecque à l'université Rennes 2, il y a À point fermé, publié aux presses universitaires de France, et c'est passionnant parce que c'est une approche de l'Antiquité extrêmement pertinente, parce que là, on ne touche pas simplement à un univers sportif, ça va beaucoup plus loin. Merci vraiment à tous les deux, Jean-Manuel Robineau et Jean-Paul Tullier, et voici maintenant que monte sur le ring, comme une évidence, Gérard Noiriel, c'est le pourquoi du comment. Comment les aliénés sont devenus des malades atteints d'affections mentales? Avant de commencer, je voudrais rappeler, car je ne le fais pas assez souvent, que pour en savoir plus sur les sujets que j'aborde dans mes chroniques, vous pouvez consulter le site du Pourquoi du Comment en Histoire sur France Culture, où je donne des indications bibliographiques en rapport avec le sujet du jour. Aujourd'hui, j'aborderai le problème de la santé mentale. La politique des secteurs psychiatriques adoptée après la Seconde Guerre mondiale pour permettre la prise en charge des patients hors les murs traverse actuellement une crise profonde. Si l'on veut comprendre tous ces enjeux, il faut remonter au tournant des 19e et 20e siècles, car ce fut une période charnière dans les transformations du rapport de la société française à la maladie mentale. La loi de 1838 sur l'enfermement des aliénés fut alors fortement critiquée par ceux qui défendaient les idéaux de la Troisième République. Ils estimaient que ces citoyens, particulièrement vulnérables, devaient être mieux protégés par l'administration et la justice. Il fallait aussi qu'ils puissent bénéficier de la réforme de l'assistance publique en ayant la possibilité d'accéder à des soins spécialisés dans des établissements médicalisés. Ces discussions aboutirent à une proposition, jugée provocatrice à l'époque, visant à organiser l'assistance aux aliénés dans des services ouverts, donc en dehors du système de contraintes et de protection qui caractérisait l'internement dans la loi de 1838. À la veille de la Première Guerre mondiale, le projet de loi présenté par le sénateur Paul Strauss suscita un vaste débat qui marqua un tournant dans l'histoire des réformes de l'institution psychiatrique en France. Le projet de Paul Strauss prévoyait de faire un premier pas en direction du traitement ouvert en imposant un délai de 6 mois avant l'intervention du pouvoir judiciaire dans la procédure d'internement. Strauss proposait aussi de remplacer dans le texte de loi le mot « aliéné » par l'expression « malade atteint d'affection mentale ». Plus que toutes les autres, c'est cette innovation sémantique qui mit le feu aux poudres. Pour les détracteurs du projet, adopter l'expression « malade atteint d'affection mentale » revenait à étendre l'emprise de l'assistance asilaire à des catégories de patients dont l'État ne justifiait pas l'internement et qui risquaient d'être stigmatisés par l'intervention du pouvoir judiciaire. Cette polémique illustre l'incapacité grandissante dans laquelle se trouvaient les acteurs de l'époque pour identifier et délimiter la notion d'aliénation mentale. Attaquée de toutes parts au cours des années précédentes, cette notion était devenue pratiquement indéfinissable, mais elle restait néanmoins incontournable pour penser l'institution asilaire. Le débat fut interrompu par le déclenchement de la guerre, mais le problème qui avait été débattu à ce moment-là a ressurgi dans les décennies suivantes et il est toujours d'actualité. Il s'agit de savoir jusqu'à quel point la protection et le soin peuvent se passer d'une forme de contrôle sur les personnes. Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée comme un combat de boxe par Anne Toscane-Viudès, Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Violette Ruiz, Tom Hundenstock et Maïwen Gizou, Hypercute, une équipe vraiment hyper cute. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et sur l'appli Radio France.